Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères qui sont en ligne. Levons-nous pour la lecture de la parole. Père Céleste, Baba, Ali Jombinguni, cet après-midi, dans toute humilité, nous inclinons nos cœurs devant ton trône de miséricorde. Nous te demandons pardon comme des hommes. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. Mais nous avons besoin de ton pardon. Sois miséricordieux envers nous et sanctifie nos cœurs. Nous sommes ici pour recevoir quelques instructions de ta part. Viens, Seigneur Jésus, et assistez-nous. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Souviens-toi de ceux qui sont en ligne. Souviens-toi de malades, de tous ceux qui sont dans les besoins. Bénis la parole qui sera lue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Saya makumi tano na nane. Je souhaiterais que vous lisiez tous les chapitres. Mitapenda musome yote. Mais je prends le verset 1. Kitabia mustari ya kwanza. Nous irons jusqu'en bas. Tashuka. Ata kumi na moja. Crie à plein gosier. Lalamike. Ma saouti kubwa ne te retiens pas. Ushichoke ne te retiens pas. Apana kujizuiza. Élève ta voix comme une trompette. Lalamika nguvu sawa parapanda. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Na utangaze kutaifa yangu maovu yake. À la maison de Jacob, ses péchés. Nyumba Yakubu, mazambi yake. Tous les jours, il me cherche. Siku zote bene nitafuta. Ils veulent connaître mes voies. Benapenda kujua manjia yangu. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Sawa taifa iliyopenda kutumikia uhaki. Qui aurait. Iliweza. Pratiquer la justice. Et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Donc tous les jours ils me cherchent. Tous les jours ils veulent connaître mes voies. Comme c'était une nation qui avait déjà pratiqué la justice. Et qui n'avait jamais abandonné mes lois. Il me demande des arrêts de justice. Des décisions de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner? Si tu ne le vois pas, démortifier notre âme. Uteswa nafsi yetu. Si tu n'as point égard. Kama auto auangalie kwa ta kuangalia. Voici un jour de votre jeûne. Tazama siku moya kufunga kwenu. Vous vous livrez à vos penchants. Mune jitoa kumategemeo yenu. Tazama ile siku moya mko nafunga chakula. Le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Mune jitoa kumategemeo yenu. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Na muna teswa bali biko nimetumikia. Voici vous jeûnez pour vous discuter et pour vous quereller. Tazama muna funga chakula njoo ya kubishana tu na kukotana. Pour frapper méchamment du poing. Njoo ya kupikana magumi. Vous ne jeûnez pas comme les veuves ce jour. Amufunge chakula sawa vile ile siku nataka. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que là les jeunes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce que là ce que j'appellerais un jeune? Nakula la pansaka, vous couchez sous les sacs et sous les cendres. Dieu il est moué mouko na ita seme na funga chakula. Et c'est ce que vous appelez jeune. Dieu il est chiku mouko na ita seme ya kumpendeza Mungu. C'est ce que vous appelez un jour d'allégresse à l'Éternel. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Tazama kufunga chakula kuna yafurahiwaka. Détache les chaînes de ta méchanceté. Pate kufungula minyororo ya baidi yako. Acha roho mbaya. Arrête la méchanceté. Pour que tout le monde comprenne. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'a accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Si tu es loin du milieu de toi, les jougs et les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Na magiza yako itakuwa saa jua kati. L'Éternel sera toujours ton guide. Wamilele atakuwa pa ugongoza. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Atashibisha nafsi yako mufazi ya kauka. Et il redonnera à la vigueur de tes membres. Na atapatia viungo yako mwili nguvu. Tu seras comme un jardin arrosé. Utakuwa saa bustani yenye kumwagiwa maji. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Dans ce chapitre d'Ésaïe 58, Dieu nous montre comment nous, en tant que fils de Dieu, nous devons gêner conformément à sa volonté et à sa parole pour que toute bénédiction vienne sur nous et que le Seigneur marche avec nous. Nous donnons la victoire en toutes choses. Et il nous montre un faux jeûne. Où les gens viennent. Ils font semblant de jeûner. Mais dans leur cœur, ils sont pleins de méchanceté. Ils cherchent Dieu. Il cherche qu'il réponde. Il cherche sa bénédiction. Comme si c'était des gens qui avaient accompli sa volonté. Ou des gens qui marchaient droitement. C'est une grosse erreur que nous commettons souvent. Parce que nous ne savons pas comment nous approcher du Seigneur pour chercher de lui la bénédiction. Au lieu, quand nous allons auprès du Seigneur, au lieu de recevoir la réponse favorable, au lieu d'être béni par lui, mais nous y retournons mains vides. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire ici. Mais le temps nous manque. Nous aurons le temps d'en parler davantage. Lorsque Dieu nous donnera l'occasion. Lorsque vous voulez jeûner, il faut considérer tout ce que la parole de Dieu dit sur les jeunes. Il faut honorer la parole qui concerne les jeunes. Il faut aller devant le Seigneur avec humilité. Il faut aller devant le Seigneur avec un cœur brisé. Il faut s'habiller proprement, correctement. Ne donnez pas l'apparence comme si tu gênais pour montrer aux gens que tu es en train de gêner. Non, bien-aimé frère, il ne doit pas y avoir de l'amertume dans nos cœurs. On ne doit pas être lié à beaucoup de péchés. Vous êtes en conflit avec les gens, mais vous voulez la moins gêner. Vous êtes entouré, vous êtes enveloppé de beaucoup de péchés. Mais vous voulez gêner. Non, nous devons considérer ce que disent les Écritures à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-on prier en langue dans une prière normale? Et mumaombi tu akawaida hii mtu anaweza kuomba mluga ou pour clôturer un service wala juu ya kuomba tu maombi ya mwisho ou un culte chaque fois wala ibada kila mara. Les langues sont c'est un don de Dieu. Kusema muruga, le parler en langue est un don de Dieu. Sema muruga ni zawadi ya Mungu. C'est un don du Saint-Esprit. Ni zawadi ya Roho, ya Roho Mtakatifu. Mais il y a plusieurs langues. Lakini kuma ruga mingi. Et il y a plusieurs manières de parler en langue. Na kuku namna ya mingi ya kusema muruga. Malgré toute cette multitude de manières de parler en langue, mais il y a deux manières de parler en langue qui sont fondamentales. Quelqu'un peut parler en langue pour édifier l'Église. Et quelqu'un peut parler en langue pour s'édifier soi-même. Mais selon les Écritures, lorsque nous parlons en langue dans l'Église, nous devons parler de manière à édifier l'Église. Tunapashi kusema munamna ya kujenga kanisa. Toutes choses que nous faisons pendant le culte dans l'église, nous devons le faire pour édifier l'église. C'est pourquoi Paul, en instruisant l'église de Corinthe, il dit: si quelqu'un a reçu le don de parler en langue, il doit prier pour qu'il ait un interprète de langue. Anapashi kuomba juku kuyeko wa kutafsiri ile lugha. Si il n'y a pas d'interprète de langue. Kama hakuna wa kutafsiri ile lugha. Lui-même qui parle. Ule mwenyeko nasema ile lugha. Doit prier. Anapasha kuomba. Pour avoir l'interprétation de langue. Juu ya kupata kutafsiri ile malugha. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Quand le don de parler en langue opère dans l'église, wakati zawadi ya lugha tumika mkanisa, il doit opérer pour édifier l'église. Inapasha kutumika juu ya kujenga kanisa. Et pour que le don de parler en langue édifie l'église, na juu ile zawadi ya kusema lugha ipate kujenga kanisa, il faut qu'il y ait un don d'interprétation de langue. Inapasha kukwete na zawadi ya kutafsiri malugha. Et l'interprétation de langue peut venir de celui qui parle en langue comme de quelqu'un d'autre dans l'église afin que l'église soit édifiée. Maintenant, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète ou qui n'a pas reçu lui-même le don d'interprétation de langue, qu'il se taise. Parce que l'église ne comprend pas ce qu'il dit. L'église est avec moi. Maintenant, dans une prière privée, quelqu'un ne peut pas parler en langue et interpréter na tafsiri pour venir amener son interprétation à l'église. Juu akwa alete utafsiri yake mkanisa. Non, cela est faux. Ye imbia bongo. S'il parle en langue chez lui à la maison, kama anasemea lugha kwake, mchambre yake, à la montagne, au champ, où il est allé prier, qu'il venait à parler en langue, na anafika mkusema lugha kule, il s'édifie lui-même. Pale onejenga yeye mwenyewe. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa tu pamoja. On ne peut pas. On demande frère Pierre pour clôturer la pour clôturer le culte. Manakumba nduku omba tufunge ibada. Toi tu commences à parler en langue. Wana sema mluga. C'est du pentecôtisme. Il est ni kipente. Vous voyez bien mes frères. Non nduku mpende. C'est un manque d'instruction. Il est ni kukosewa kwa mafundisho. Ou c'est un bébé qui parle. Voilà, ni bébé, il n'est pas encore enseigné. Vous ne pouvez pas être dans un groupe, vous fraternisez avec les frères. Vous êtes dans une fête. On vous demande de prier pour la nourriture. Vous commencez à parler en langue. C'est du pentecôtisme. Il est ni kipente. Vous trouvez un malade. On akuta mgonjwa. Au lieu de prier sur le malade. Pare ya kuombea mgonjwa. Vous commencez à parler en langue. Unasema mulugha. C'est du pentecôtisme. Ile ngipente. Cela est fou. Eh bongo. On parle en langue pour s'édifier. Basema ka mulugha ya kujenga. Mais quand le parler en langue s'exerce dans l'église, parmi les gens, inatumika katikati ya watu wala ndani ya kanisa, le parler en langue a un objectif d'édifier. Kwa lugha kuna chihaba ni ya kujenga. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Kwa kitu kwa sura ya 9. Dans son verset 9. Na 9. 11. Sa katisa. De même. Vile vile. Regarde dans le verset 8. Et si la trompette rend un son confus. Kama parapanda inalilia mwagia muririo wa mvuruko. Qui se préparera au combat? De même vous. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Vous voyez. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, Kama basi mishiwe mana ya ile lugha nasema. Je serai un barbare pour celui qui parle. Mitakuwa tu mtu akusema sasa vitu ovyo kwa ule unasema. Et celui qui parle. Na ule unasema. Sera un barbare pour moi. Atakuwa tu akusema sasa vitu ovyo kwangu. De même vous. Vivre moi. Lorsque vous aspirez au don spirituel. Wakati mwana tamania kupata mazawadi ya kiroho. Que ça soit pour l'édification de l'église. Ile mazawadi ikuye ko jua kujenga kanisa. Muko natafuta mazawadi. Cherchez le don. Ni juu ya kujenga kanisa. C'est pour édifier l'église. Que ça soit pour l'édification de l'église. Ikuye jua kujenga kanisa. Que vous cherchez à en posséder abondamment. Njo ile mwana tafuta kuishika katika hoteli. Dans le verset 13. C'est pourquoi. Je commande. Que celui qui parle en langue. Où le konasema muluga. Prie pour avoir les dons d'interprétation. Aombe jok pata zawadi au tafsiri. Car. Quoi? Si je prie en langue. Onaomba muluga. Mon esprit est en prière. Voyangu kumaombi. Mais mon intelligence demeure stérile. Lakini akili yangu nabakia paravile. Que faire donc? Nafanya nini basi? Je prierai par l'esprit. Taomba mukutiaro. Mais je prierai aussi avec intelligence. Akili taomba tena na akili. Je chanterai par l'esprit. Taomba muro. Mais je chanterai aussi avec intelligence. Taomba tena na akili. Autrement. Sema kungine. Si tu rends grâce par l'esprit. Kama na shukuru kutiaro. Comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs. Namlakani uleko mbakusikia tu. Répondra-t-il amen à ton action de grâce? Amina, kuile tendo kwa shukurani. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Sababu ayue ile kunasema mluga. Tu rends, il est vrai, d'excellence action de grâce. Ya kweli unashukuru. Mais l'autre n'est pas édifié. Lakini ule mtu mwingine ashijengwe. Vous voyez? Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 mots, que 10 000 paroles en langue. Vous voyez. Non. Dans le verset 23. Si donc. Dans une assemblée de l'église tout entière. Tous parlent en langue. Et qu'il entre des simples auditeurs. Ou des non-croyants. Des invités. Et de non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Eti, abata sema soko kia majimu. Mais si tous prophétisent. Kama bote wanza kutabiri. Et qu'il entre un non-croyant. Na mutu mwa anaingia mkani. Ou un simple auditeur. Wana tu anakuwa ushikia. Il est convaincu par tous. Et on a kikisho kupitia bote. Il est jugé par tous. Et kuma yukumia kupitia bote. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Masiri ya moyo wake kuleka wazi. De telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Na atatangaza kusema akika Mungu katikati yenu. Vous voyez. Munaona. Que ferai-je donc, frère? Tafanya nini basi wandugu? Lorsque vous assemblez, wakati mnakusanyika, l'un ou l'autre. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez, en est-il qui parle en langue? Et kukula sa luga? Que deux ou trois, tout au plus parle, chacun à son tour. Voilà, bah mingi, lakini kila mtu aseme mwakati yake. Bantu ba mingi bashanze kusema muluga, ba wili au batatu baseme, mais mtu na mtu mwakati yake. Deux ou trois personnes peuvent parler, mais que chacun à son tour. et que quelqu'un interprète. Na kukuwe mtu akutafsiri. S'il n'y a pas d'interprète, kama akuna mtafsiri, qu'on se teste dans l'église, mkale kiwa mkanisa, et qu'on se parle à soi-même, na useme na mwenyewe, et qu'on se parle à soi-même, jisemeze wewe mwenyewe, et à Dieu, na Mungu. Vous voyez, unaona. 39 makumi tatu na tisa. Ainsi donc frère, ivibasi wanduku, aspirez au don de prophétie. La manière à kupata zawadi ya unabi. Et n'empêchez pas de parler en langue. Aizuize kusema muluga. Bana, n'empêchez pas. Mushizuize kusema muluga. Mushikatarie bali bakusema muluga. Mais. Lakini. Que tout se fasse. Yote fanchiki. Avec bienséance. Na usafi. Na ishima. Et avec ordre. Na usawa. Voyez. Non. Donc, c'est pour répondre à la préoccupation du frère, de la sœur, c'est faux. Quand vous vous réunissez, il ne faut pas prier en langue. Quand on vous demande de prier, il ne faut pas prier en langue. Mais pendant la prière, les langues peuvent venir. Là, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire. Ou vous demandez à Dieu de vous donner ce voilà, don-là. À ce moment, tu parles la langue, tu interprètes. Et que les autres soient édifiés. Les parler en langue dans lesquelles on s'édifie soi-même, se passe pas dans une prière privée. Et ni pawe on n'a pas besoin d'être interprété. Aulombe, parce qu'on parle à Dieu, on s'édifie soi-même. Mais quand on est avec des frères, on est avec des sœurs, on est dans l'église, kanisa, ne parlez pas en langue, à moins qu'il y ait un interprète. Est-ce que c'est compris? Naelewa. Merci. Juste deux préoccupations. Angaiko tumbiri. Est-ce que je n'ai le jour de la prière? Eti kufunga chakula siku ya maombi. C'est obligatoire? Inalazimisho. Ou ça dépend de la personne elle-même. Voilà, il vous n'engagez pas tout le monde. Le frère ou la sœur. D'où quoi la dada? Veut savoir comme vendredi. C'est ça vendredi. Nous avons une prière de l'église. Nekaraka na maombi ya kanisa. Est-ce que c'est obligatoire? Eti ni batu bote mapashi fa vile. Ou ça dépend de la personne elle-même. Voilà, il faut l'engager à mutu et mounyé. Je réponds à cette préoccupation. N'ajib kuya ngaiko. Avant de parler du jeûne. Bela yoku semezia kufunga chakula. Vous devez d'abord comprendre ce que signifie le jeûne. On a pas chikou mounyé kouleur, c'est ma funga ni nini. Et pourquoi vous devez jeûner. Na nijua nini unapashi kufunga chakula. Le jeûne c'est quoi? Ma kufunga ni nini? Et l'objectif du jeûne c'est quoi encore? Na shaba yenye kufunga chakula ni nini? Le terme jeûner. Musemo yenye kufunga. Même lorsque vous allez dans votre dictionnaire. Ataka munenda mu dictionnaire. Signifie ceci. Inamaanisha hivi. Manger peu. Kula kidoko. Manger moins qu'il faut. Kula kidoko zaidi ya vile unakulaka. Manger moins. Kula kidoko qu'il faut. Vile unakulaka. Ou voilà. Ne pas manger du tout. Usikule. Dans les jeûnes, il y a deux choses. Mukufunga, muko bitu biwili. On peut manger peu. Pas comme d'habitude. Ah, kushia, aina vile wankula shikoti. Ou on ne mange absolument rien. Wala aukule kitu. Jeûner signifie. Kufunga manake. se priver de la nourriture volontairement. Ujikataria chakula na kipendaro yako. S'abstenir de certaines jouissances. Ujikataria na mafuramu wa fulani. Vous voyez. Naona. C'est ce que signifie jeûne. Jo maana ya kufunga. C'est pourquoi nous vous enseignons, nous disons ceci. Comment tu funtia ton sema hivi? Il y a deux types de jeûnes. Kuku aina mbili ya kufunga. Il y a le jeûne. Kuku ufunga. Où on grignote quelque chose, on peut boire du thé. Unaweza kunywa chai, una kula kitu kidogo. Wala una katala kula. Mais il y a un jeûne. Lakini kuku ufunga kwingine. Où on s'abstient à tout. Kwenye unajikatalia bioti. On ne boit ni l'eau. Akunye mai. On ne boit ni du thé. Akunye chai. On ne mange rien. Akule kitu. Voyez. Naona. Pour se consacrer au Seigneur. Njia ujitolea kwa Bwana. Maintenant, pour répondre à la préoccupation du frère de la sœur. Njia kujibu kwa ngai kwa nduku wala dada. Le jeûne. Funga. Est toujours volontaire. Kunekala kwa kipendaro. Et non forcé. Aina kwa kukazisha. On ne peut pas forcer quelqu'un à jeûner. Aisukuma mtu kazisha mtu apate kufunga chakula. Parce que celui qui doit jeûner, Kabuna apache kufunga chakula, il doit avoir un objectif. Anapache kwa na shabamu fulani. Connaître le pourquoi il jeûne. Ujua juu ya nini anafunga chakula. Mais si quelqu'un ne connaît pas, kama mtu ashijui, il n'a aucun objectif. Ana na shabata moja. Il ne comprend pas ce qu'il, achelewe, ce qu'il va faire dans son jeûne. Kile unaenda kufungia chakula. Lui imposer le jeûne comment? Mujua nini mtamkazisha? Vous allez le faire pécher? Mtamtendesha dhambi. Vous voyez? Non. Dans le jeûne, mukufunga, comme je le disais ici, mavlenyaze sema huko. Le jeûne est toujours volontaire. Funga kunekala non forcé. Kwa wazi aina kwa kukazisha. Et troisièmement. Na tatu. Pour faire un jeûne, jua kufunga chakula, vous devez être conduit par Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe anapashi kuongoza. Et cela dépend de l'état de votre santé. Na ile ikunangalia hali ya afya yako. Je donne un exemple simple. Na mfano tu as opisi. Tu veux jeûner. Mapita funga chakula. Parce que tu as un besoin devant Dieu. Avile unahitaji mbele ya Mungu. Et entre-temps vous souffrez de l'estomac. Na mwili wakati mwa estomac inakumaka. Vous prenez des produits. Wala huko nakunya dawa. Comme c'est l'habitude maintenant. Savile nzoezo hapa sasa. Si vous prenez un peu un petit pain. Unakula mkate kidogo. Ou un verre de lait. Voilà, kopo moya ya maziwa. Pour éviter des complications de votre estomac. Njia kuepuka magumu ya estomac. Dieu ne te condamnera pas pour cela. Mungu atakuhukumu njia ile. Si vous êtes sous une cure, un traitement. Kama unakunya dawa. Qui vous demande de prendre quelque chose. Ile akulomba upate kula kitu. Si vous prenez cela. Kama unakunya ile. Pour raison de votre traitement. Njia ya dawa ile kunakunya. Il n'y a pas un problème. Kuna mambo. Dieu ne te condamnera pas. Mungu atahukumu njia ile. Vous voyez. Non. Parce que cela dépend. Sababu ile kunaangalia. De l'état de votre santé. Hali afya yako. Mais regardez. Lakini mwangalie. Il existe certainement des jeûnes obligatoires. Unekalaka makufunga chakula kule kuna lazimishwa. Pour des situations particulière. Njia mambo ya upeke. Dans lesquelles l'église se retrouve. Mune kanisa inapatikana. Dans lesquelles tout un peuple se retrouve. Mune taifa mzima inapatikana. Il existe certainement. Akika kukwako makufunga. Des jeûnes obligatoires. Makufunga chakula kule banalazimisha banalomba batu bote banapashwa. C'est suivant la situation. Ni karani kufuatana na mambo. Dans laquelle l'église se retrouve. Mule kanisa inapatikana. L'urgence dans laquelle l'église se retrouve. Waraka mule kanisa inapatikana. L'urgence région dans laquelle la maison se retrouve, on peut faire une chaîne familiale. Mune munyumba na patikana. Munaweza kufanya kufunga chakula nyumba mzima jamaa. Pour une situation précise. Dieu a mambo moya fulani. Il n'y a pas un problème. Hakuna mambo. Et tout le monde comprend. Na batu wote wanaelewa. Que c'est une exception. Yasema hii ni ya upekee. Je prends un exemple. Naiba mfano. Prenons Jonas chapitre 3. Jonas tatu. Prenons Jonas chapitre 3. Jonas tatu. Jonas chapitre 3. Jonas surakia tatu. Dans son verset 4 à 10. Musaki a ine pa kumi. Nous lisons ceci. Jonas chapitre 3. Jonas Soakiatatu. Dans son verset 4, commençons par là. Jusqu'au verset 10. Kapanakumi. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Jonas a fait un mouji, shikumuzima, il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Na Ninive, ita bomonewa, ita rabishwa. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par l'ordre du roi et de ses grands, que l'homme, que les hommes et les bêtes, les bœufs Ngombe, et les brebis Nkondo, ne goûtent de rien, courant, ne pèsent point kuloba, et ne boivent point de l'eau. Que les hommes et les bêtes sont couverts de sacs. Qu'ils crient à l'Éternel avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe ici? Il y avait une urgence. La mort était au-dessus de la ville. Et ce jeûne ici fut obligatoire. Même les animaux fut introduit dans le jeûne pour implorer la grâce du Seigneur. Une maladie peut frapper votre maison. Ou une situation, votre famille. Si le papa jeûne seul, ça va. S'il voit que sa propre famille est une famille spirituelle, elle peut l'accompagner dans les jeûnes. Il n'y a pas un problème. Parce que les hommes spirituels comprennent correctement les choses. Regardez autant d'Esther. Allez lire ce parce que je cours autant. Esther chapitre 9. Esther, notez cela, allez lire. La nation, disons, les Juifs étaient en danger. Taifa Israël iko mwatari. Un complot était fomenté contre eux pour les tuer tous. Na balitunga kitu kimwa njoko baua boti. Lorsque Dieu révéla ce complot, wakati Mungu anafunua ile mapu, Mardoché envoya des messages à Esther. Dit, notre nation est en danger. Et vu la situation dans laquelle les Juifs traversaient, Il fallait seulement l'intervention divine pour arrêter ce massacre. Apate kushuka njo kushimamisha ili uaje. C'est ainsi que les Juifs publièrent un jeûne et les résultats du jeûne, le comploteur fut pendu. Ni ule mwenye aranza kutunga ile mapa kubaua, Dieu renversa la situation. Na Mungu anageuza mambo. Allez lire dans Ezra chapitre 8. Mwisome mu Ezra verset 21. Musara ya makumbi na mnani na moja muyandika. Prenez Nehemie chapitre 9. Nehemie 9. Prenez Zacharie chapitre 8 verset 9. Zacharie mnani musara ya 9 mkaisome. Il y a des situations kuma mambo qui demande ile inalomba un jeûne obligatoire. Muntu otafunge chakula. Maintenant, si vous êtes spirituel, kama uko akiro, vous comprendrez que nous, l'Église, traverse une situation particulière. Et comme tu aimes Dieu, et tu aimes que Dieu intervienne dans l'Église, alors tout le monde sera à genoux, implorant la grâce du Seigneur. Mais les jeunes en général, n'est pas obligatoire. Donc on peut manger, on peut un peu manger, pour cause de la santé, Dieu a afia. Celui qui veut gêner, on a peine à funga. Vraiment à jeûne, à se manger ta coula, ça manger, ça tous pas prendre de l'eau. Celui qui gêne, zool, qui a pris un petit repas léger, kula kidoko, il peut venir prier le Seigneur. Il n'y a pas un problème. Akuna mambo. Est-ce que c'est clair? Kwazi. Est-ce que c'est clair? Eti kwazi. Je dis clairement ceci. Mina sema wazi wazi. Comme il y a deux types de jeûne. Ça veut dire que aina mbili ya kufunga chakula. Le jeûne que nous faisons vendredi. Ile mafungo tunafanyaka vendredi. Si vous prenez la décision de jeûner et à jeûne. Kama unasema mishtakula kitu. Pas de problème. Hakuna mambo. Mais si vous avez une situation de la santé. Mais lakini kama uko na mambo ya afya. De manger peu. Inakulomba upate kula kidogo wala kumagonja mwili. Pour éviter les dérangements désagréables dans votre corps. Juu maungu wala mwili shiume kabisa. Prenez un petit repas. Unaweza kula kidogo. Prenez votre produit. Unaweza beba unakunywa dawa yako. Na unakuwa kuomba. Il n'y a pas un péché. Hakuna dhambi. Que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. OK. Frère. Nduku. Partout où je suis. Aziote ni na patikana. Soit chez nous à Lubumbashi. Wala kwetu Lubumbashi. Soit ici à Akambo. Wala Mukambo. Soit partout. Aziote ni na patikana. Quand un jeune prédicateur prêche. Wakati mhubiri kiane kuna hubiri. Local ou venant d'ailleurs. Opali wala kutoka fasi nyingine. Je ne suis pas édifié. Mishikale na jengwa. Seulement quand le pasteur prêche. Ni paga mwakati le pasteur anahubiri. Ou l'église. Wala anafundisha kanisa. Ou un pasteur associé. Wala pasteur mfasi. Prêche. Anahubiri. Ou un prédicateur qui a beaucoup d'expérience prêche. Wala mhubiri yuko naonja mimi anahubiri sasa pale. Je suis édifié et instruit. Njoo mimi nashikia sema mimi najengwa. Est-ce que c'est mauvais? Unafundishiwa eti ni mubaya? Merci. Asante. Je réponds. Najib. Oui, c'est mauvais. Nimbaya. Je réponds. Najib. Vous avez entendu la question du frère de la sœur. Lui, il est seulement édifié. Yeye anajengwaka paka pale ba pasteur. Et les associés. Na ba et les anciens prédicateurs. Na ba ubiri wala saka kukawia mkubiri. Munaona. Mais quand les jeunes prêchent. Na kama baba biana wanaanza kuhubiri. Local huku vient ailleurs. Wapahali wala natoka fasi nyingine. Il n'est pas édifié. Yeye abimjengaki. Il veut savoir c'est mauvais. Anapenda kuya se est ni mubaya. Ninajiba wasema. C'est mauvais. Ni mubaya sana. Vous avez de mauvaises dispositions. Ou tu n'as maali mbaya. Envers les jeunes prédicateurs. Ou baubiri babiana. Vous avez des préjugés. Ou kuna tanguria kubaukumu. Sur les jeunes ministres. Voilà, on a kusema yule baubiri babiana. Et vous devez abandonner cette attitude. Na ile hali unapashi kuiacha. Tu dois l'abandonner, frère. Unapashi kuiacha nduku wala dada. Ce n'est pas bon pour toi. Aina mzuri kwako. Ce n'est pas bon pour ta foi. Aina mzuri jua imani yako. Parce que tu risques même de blasphémer. Sababu unaweza kufikia na mkukufuru. Parce que cette attitude. Sababu hii namna ya kutenda. Peut t'amener à commettre une faute grave. Itakufikisha hata mkutenda kosa mwa nguvu. Le ministère. Huduma. ne se trouve pas dans le corps. Aina mumwili. Ou disons, ne dépend pas de décor. Ayangarie mwili. Que ce soit le corps d'un vieillard, ou le corps d'un vieux. Voilà, ya kiana, le apana. Ministère, Uduma, c'est un don du Saint-Esprit. Zawadi ya Rome Tagatif. Dieu peut le donner à un enfant. Il peut le donner à un jeune homme. Ou à un vieillard. Voilà, mzee. Vous voyez. Non. La chose la plus essentielle. Qui a ma force. Quand nous venons écouter un prédicateur. Regardez et considérez la parole qu'il prêche. Oui, ni kuangaria. Ne regardez pas aux hommes comment ils sont habillés. Ne regardez pas les rages. La chose principale. La chose fondamentale. La chose importante. À laquelle nous devons beaucoup veiller. C'est la parole de Dieu. Ne nous la mungu. Qu'il soit jeune ou vieux, s'il prêche la parole, nous disons amen à la parole. Son âge n'a pas d'importance. Qu'il vienne de la brousse, qu'il vienne des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de Kinkonja, de Lububu, de Kabundami, de Mubambe, vous voyez, de Dilolo, vous voyez, non. De Kamonia, ou n'importe Kamonia, où, s'il prêche la parole de Kama Dieu, tu, anaubiri sauti ya nous mungu, disons amen à la sema, parole, cela nous suffit. Amen, kuneno, na ile netuenea. Le vase que Dieu utilise n'a pas d'importance pour nous. Biombo bile mungu ya tumiki ya bina na mana kwetu. Évitez de juger les gens comme ça. Maintenant, si vous avez cette attitude, que feriez-vous si vous avez vécu au temps de Josué, au temps de Jérémie, au temps de Timothée, au temps de l'apôtre Jean, au temps de Tite, c'était des enfants. Jean l'apôtre qui a écrit la révélation. Les disciples que Jésus aimait. C'était le plus jeune de tous les apôtres. Mais regarde les révélations que Dieu lui donne. Mais si Adam n'a pas donné ses révélations à Pierre, qui était le plus vieux parmi eux, il a pris les plus jeunes pour lui donner la révélation de l'Apocalypse. Dieu a suscité Jérémie. Il était encore un enfant. Lui-même dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu utilise qui il veut. L'âge n'a aucune importance. Non, bien aimé frère. Josué est un jeune homme. Évitez de faire ça. Et mon constat personnel, c'est tout le temps qui court ici. Attention avec les jeunes gens qui se lèvent aujourd'hui. Ceux qui sont entrés en Cana n'étaient pas des vieillards. Tous les batailleurs sont morts dans le désert. C'est la nouvelle génération qui est entré. C'est pourquoi on doit voir la vision globale de la parole de Dieu. Pour nous éviter des erreurs. Même le problème que nous avons aujourd'hui avec des incompréhensions sur la parole, c'est parce que même nous-mêmes, prédicateurs, et même l'Église, nous ne prenons pas la parole de Dieu dans sa globalité. Quelqu'un, il lit seulement une parole. Il veut fonder l'éternité sur ça. Il lit un verset. Il veut fonder l'éternité sur ça. Il lit seulement une déclaration de foi, banane de frère Franck. Il en fait son cheval de bataille. Ce sont des choses qu'on doit combattre. Vous voyez, frère. Non, Dieu a plusieurs façons de parler. Tu ne voudras pas qu'un évangéliste parle comme un pasteur. Et non pas le ministère. Ça va, pasteur. Tu ne voudras pas qu'un enseignant parle comme un évangéliste. Non. Tu C'est nous les croyants. Et nous-mêmes les prédicateurs. Nous devons savoir comment est-ce que chaque ministère travaille, œuvre. Et savoir le langage de chaque ministère. Même si vous êtes sans évangéliste, vous ne parlerez pas de la même manière. Il y aura toujours des profondeurs différentes. Vous voyez, non. Si vous êtes des enseignants, vous ne pouvez pas avoir le même langage. Mais l'objectif reste. Vous voyez, souvent c'est là où les gens ne comprennent pas. Lorsque vous écoutez un prédicateur, écoutez correctement et savoir où est-ce qu'il amène les gens. Jugement superficiel. Vous savez, on a yulu tout, c'est ce qui nous amène des désordres. Oh, il a dit ça. Il a dit ça. Il faut éviter ça. Et je sais que c'est nous les prédicateurs qui amenons les églises dans cette confusion. Nanishie baobi, Dieu nous a appelé ka kanisa monemaï. Dieu pas ta quoi tu qui bouleque. Nous sommes très considérés comme des hommes spéciaux. Batone ça ba tu au péché. Doit éviter ça. On pense que pour Kaïli. La parole de Dieu est éternelle. Nous l'amour de Amileli. C'est pourquoi vous voyez les dénominations. Comment Mazébo? Nous l'amour ne va compliquer. C'est vrai que la parole de Dieu les a compliqués. Ils ont Biblia dit. La Bible, la Bible, la viande, la vache. Là où vous c'est trouvez parce la révélation. Accrochez-vous à ça. Nous avons la révélation de toute la Bible. Si tu n'as fourni à nos lotes. La parole de Dieu a été restaurée. Nelo la mungu ludishiwa. Fami kujami akintu. Et pour m'accrocher de cramponner si à quelque chose. Même si il y a une déclaration qui semble opposée à celle que j'ai. Nous n'avons qu'à se l'affronter. Et voir les deux. Na kuona yote oui. Où se trouve la vérité. Na kujua ukweli kungambukani. Des fois la vérité. Pengine ukweli. Se trouve seulement au milieu. Iko pakatikati. Mais vous voyez les prédicateurs, celui-ci dit de son côté, l'autre dit de son côté, il laisse la vérité au milieu. C'est ça le problème que nous avons actuellement. Chacun va dans une extrémité, l'autre va dans une extrémité, la vérité reste au milieu. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé d'être équilibré. Ça va. Je pense que vous avez compris. Zania, mon Elio. 77. Un frère qui n'est pas présent à la maison pour le service, pour raison de service. Nduku ule ana kunyumba juu ya kazi. C'est la sœur qui réunit les enfants pour la prière. Ni dada juu anekaraka mangaribi kusanisha batoto juu baombi. Quand le frère est présent, ça c'est pas le nduku anarudi. La sœur ne le fait pas. Dada ashifanya ashiongoze batoto maombi. Elle laisse le frère conduire la prière. Anaacha nduku apate kuongoza maombi. Mais lakini le frère ne le fait pas. Nduku na yeye ashiongoze maombi. Il va dormir. Anatoka anaenda kulala tu. Si on lui pose la question, kama wanamuuliza, pourquoi tu ne pries pas avec nous, c'est-à-dire la femme et les enfants? Bibi, wala bato amulisa joana aombe na shi. Et tu vas dormir sans prier? Na unenda kulala bia kuomba. Il répond. Ajibu. Je prie. Minaomba. Prier. Muombe. Ce n'est pas crier. Ah, kuomba ina kulalamika. Anasema miko naomba. Nous na je prie. Je n'assume kuomba n'est pas kulalamika. Pensez pas que prier c'est ma crier. Maintenant, pasteur. Ça pasteur. La sœur. Dad. Doit-elle aussi arrêter de le faire ça, avec les enfants? Yeye na edad atacha kwanza kuomba na watoto? Et s'il arrête? Na kama anaacha kuomba na watoto? Est-ce que ses enfants seront-ils priés? Sasa bale watoto watakuwa kuomba namna kani? Comme il dit, prier ce n'est pas crier ou parler. Sasa vile nduku ya nasema kuomba haina kulalamika wala kusema. Je pense que la question du frère de la sœur est claire, hein. Ndaya ulizo nduku wala dada kuwazi. Le frère travaille loin de chez lui. Nduku anatumika kambari na nyumba. Pendant son absence, quand il est en voyage, il est de service. Mwakati anesha safia shinda mkazi. C'est la sœur qui fait comme Suzanne dans la maison. Ni dada anafanya sasa Suzanne mu nyumba. Suzanne Wesley. Suzanne wa nduku mama ya nduku Wesley. Alors il réunit les enfants. Na anakusanisha batoto. Il exhorte, elle exhorte. Ana baonya batoto. Banaomba. Mais quand le frère revient en tant que chef, ça, pale nduku anarudia yeye sawa mkubwa wa nyumba. Lui la tête de la maison. Yeye mwenye kichwa ya nyumba. La sœur recule. Dada shanarudia kumkongo anaacha kuongoza watoto. À son mari. Juu achie bwanake aongoze. Mais malheureusement, mais kwa ole, quand le temps de la prière arrive, wakati saa kuomba inafika, le frère va dormir. Nduku anaenda kupanda kitanda. Maintenant, ce comportement gêne la famille. Sasa ile tabia ile inaanza kuuji jamaa. Quand la femme pose la question, sasa wakati bibi anaenda kumuliza bwana, chérie, pourquoi tu ne viens pas prier? Tu ne viens pas prier avec nous. Tu ne veux pas prier notre prière. Pourquoi tu dors sans prier? Et le frère répond, j'ai toujours prié. Et prier, ce n'est pas crier. Mais voyant ce comportement du frère, la sœur doit-il arrêter? Maintenant, s'il arrêtait, comment les enfants seront-ils élevés dans le Seigneur? Batoto watakomea je ndani ya Bwana? Je réponds à cette préoccupation. Mina jibu yanga iko. Il y a premièrement quelque chose de faux. Kwanza ko kitu mwake abongo akina kizuri. Avec la foi du frère. Na imani ya nduku. Il y a certainement akika quelque chose de faux. Kuko kitu kimwaki ya kibaya kia bongo. Dans la foi et dans l'expérience du salut du frère. Muonjo na muimani ya onduku. Même dans son comportement. Ata munamna yake kujitwala, mifano yake. C'est un irresponsable. Ni muntu ana na madaraka ashiye kubeba mabujito. Le comportement qu'il montre. Il est habillé à voilà, fano kunonesha à sa famille. Jamaa yake montre que c'est un irresponsable. Unonesha tu asema aina muntu akubeba mabujito yake. La responsabilité ce n'est pas seulement aller travailler. Mabujito aina pa kwenda kutumika. Avoir l'argent. Pata makuta. Venir nourrir la femme et les enfants. Kurisha bibi na watoto. La responsabilité est aussi spirituelle. Mabujito iko na mkiro. La femme qui l'aide à l'absence, à son Bibi, absence. Eko na kusaidia pala unapo. Fait du bien, un bon travail. Ena fanya kazi mzuri. Ce monsieur doit l'encourager. Uyu nduku wala bwana anapasi kumkankamisha dada. Au lieu d'affaiblir les feux qui allument dans cette maison. Pari pa kulekesha wala kujimisha na ikaleka moto kasha kuwaka mnyumba. Il y a des choses dans la conduite familiale. Qu'un parent, un mari, un homme ne peut pas faire. Bwana wala muzazi hawezi kufanya. Il doit éviter. Anapashi kuepuka. Il y a quelque chose de faux avec son expérience. Kitu kimwaki abongo na onje yake. Il y a quelque chose de faux avec sa foi. Kitu kimwaki abongo na imani yake. Lorsqu'il sera réellement converti. Wakati atamini ya kweli. Et qu'il comprendra la responsabilité qu'il a. Na atelewa ile bujide konayo. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa femme. Mbele ya bazazi bibi yake. Je crois il se repentira. Nazania atatubwaka juu hili. De ce mauvais comportement, c'est un mauvais comportement. Ni mifano mubaya. Nous ne pouvons pas encourager cela. Atwezu kankamisha hili. Mais je réponds en disant encore Mina jibute naïf. Que ce frère Ule nduku. Qui a un tel comportement sache Mwenye kwa naïf mifano naïf ya yua kusimu. Qu'il répondra devant Dieu de sa conduite. Hii mifano atasambiaka kwa Mungu. Et de l'éducation naïf madibisho qu'il donne à ses enfants. Ena patia watoto yake. C'est une semence qu'il est en train de semer. Nimbeko ile kunapanda. C'est un faux agissement. Nikutenda kwa kubaya. Chaque mari, chaque parent, kila chaque buwana, homme kila mwanaume, doit prendre ses responsabilités. Anapashi kubeba mabujito yake. Voyez frère. Naona nduku. Vous voyez sœur. Naona dada. Comprenez seulement que vous avez un mari rétrograde. Elio atu akusema dada, ukuna buwana ashakurudia kumkongo muimani. Et si vous suivez de près, na kama unamfuatafuta sana, là au travail où il va, Mukaji kula nendaka. Il ne mène pas une bonne vie. Ana na maisha kunyoloka. Il vit une vie de dissimulation. Eko na maisha ya uficho uficho. Son comportement prouve qu'il a déjà abandonné la foi. Imi fano ya hivi unaonesha kusema na imani ashakuiacha. Priez pour lui que Dieu l'aide. Muombee dada Mungu amsaidie. Que la famille qui a un tel parent prie pour lui. Jamaa ile iko na baba wa hivi imuombee. Ce que nous dirons à la sœur et aux enfants. Ile tutambia dada na batoto. N'éteignez pas le feu. Mwee mushijimishe moto. La foi est individuelle. Imani ni ya upeke. La Bible dit. Viasema. Sur un seul lit. Bakitanda kimoya. L'un sera pris. Moya tapenda. Et l'autre laissé. Na moya tabaki. Continuez. Kankamana. A prier avec les enfants. Na kumba na batoto. Ils n'ont pas. Il ne doit pas être sacrifié. Les enfants ne doivent pas être sacrifiés. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre dans la famille. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Continuez à prier avec les enfants. Continuez à prier pour votre papa, votre mari rétrograde. Kumbea baba yenu na bwana yako la kurudia Kongo bwana. Mungu atamsaidia. Et Dieu aussi l'aidera. Na Mungu atamsaidia naye. Réclamez-le. Mumulombe. Dites au Seigneur, Mungu, c'est un mari que tu nous as donné. Ibuana, ulonipatia, mais il est saisi par les démons. Mais lakini anesha kushikwa na mademoni. Il le refroidisse. Ile ikunampatia baridi. Et détruit notre foyer. Na inapenda kuharibisha nyumba yetu. Aide-le. Musaidi. Soyez sincère, Dieu. Kwe na moyo haki Mungu atamsaidia. Considérez-le comme si vous vivez avec un païen. Mone toi ce qu'on a ici n'empagano munyumba. Banta bechikaka ta kumpagano chikaka. Les gens n'acceptent pas, même si les païens ne peuvent pas accepter qu'il est païen. Il te dira un jour. La chrétienté c'est ma prière. Ce que te dira un jour. Il ne connaît même pas les écritures. Que ashio atamandiko. Mwangara tana mneko naomba pakuria ndio utaona sema huyu mwenyewe. Regardez même la façon dont il est en train de prier ses mains avant de manger. Tu découvriras s'il est chrétien ou pas. Quand il ferme seulement les yeux, il tend sa main sur la nourriture. C'est comme si la nourriture avait la polio. Il tend seulement sa main sans dire quelque chose. Puis il commence à manger. Pour flatter ses mains, ceux qui sont autour là, qu'il a pris. Ainsi, il essaie d'ouvrir ses mains, sa bouche. Même la voix pour parler. Quand vous écoutez, tu seras chopé. Il ne t'est pas prié. Alors, gardez, sœur, courage. Dada kankamane. Et les enfants, soyez courageux. Atoto mkankamane. Saidi mama yenu. Aidez votre maman pour élever dans votre maman. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Okonto wa kwanza sura kia saba. Vous considérez ça ou kunaishi na mwana na bwana mpagano. Considérez-vous que vous vivez avec un païen. Il n'y a pas de caprice en vivant la parole de Dieu. Parce que vous voyez quelqu'un pour venir à l'église, il fait des caprices avant de prier, il fait trop de caprices. Pour vivre juste la parole de Dieu, il fait des caprices. Il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas encore chrétien. La prière, c'est pour nous-mêmes. C'est dans notre avantage. Dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Car les maris non croyants Bwana mpagano, est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante na bibi ula shiamini, est sanctifiée par le mari. Bwana, le mari non croyant Bwana mpagano, est sanctifié par, ni bibi, femme, par la femme croyante. Mwaminifu, la femme non croyante na bibi mpagano, est sanctifiée par le mari croyant. Autrement vos enfants seraient impurs. Kuingine, baritafuta kuya. Autrement. Mukusema kuingine. Mukusema namu na ingine, batoto yenu balipashwa kwa babuchafu, des impurs. Autrement, mukusema kuingine, vos enfants seraient impurs, batoto yenu balipashwa kwa babuchafu, tandis que maintenant ils sont saints. Ah, apa sasa sabe kutakatifu. Continuez à sanctifier votre maison par la vie de la prière. Nyumba yako upitia maisha maombi. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Mungu aimbariki jioni mangaribi. Si je prends, on a déjà... Lève-nous pour la prière. On a déjà atteint notre temps. La prière est fondamentale pour chaque foyer. Si quelqu'un ne prie pas, il est faux dans son cœur. Notre Père céleste, c'est avec gratitude que nous venons auprès de toi demander un secours divin pour que nos vies s'ordonnent selon ta volonté. Seigneur, nous voulons que nos vies soient ordonnées pour que nous vivons en paix avec toi. Nous voulons que notre vie te plaise en toutes choses. Fais en sorte que nos maisons soient des maisons de prière. Chaque fois que nous avons des problèmes, que nous soyons ensemble, unis comme un seul homme, le mari, la femme et les enfants, mais dans la main, dans le même sentiment, dans la même vision, prier, crier à ton trône de miséricorde jusqu'à ce que toi tu répondes, afin que ta bénédiction demeure sur notre maison. Bénis les frères. Bénis les sœurs. Bénis chaque oreille qui a entendu ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen.